Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Mère Teresa, la sainte de Calcutta. Passer une journée avec cette femme, c'est passer une journée dans l'Évangile, tel qu'il a été vécu il y a 2000 ans. Le cardinal Paul-Émile Léger, qui se rappelle sa rencontre avec Mère Teresa à l'émission Dialogue en 1980, fondatrice des Missionnaires de la Charité, Mère Teresa va consacrer sa vie à aider les plus pauvres. Et c'est depuis l'Inde, ce pays où les catholiques ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan de la spiritualité, qu'elle réussira pourtant à devenir l'une des grandes figures de la chrétienté du 20e siècle. Mère Teresa recevra le prix Nobel de la paix en 1979 et elle sera canonisée par le pape François en septembre 2016. Ce qui a peut-être de plus remarquable dans la Mère Thérèse, c'est sa joie. Elle insiste avec ses religieuses. Quand vous avez été pendant toute la journée dans la misère, dans les taudis, dans les bidonvilles, que vous avez vu les gens les plus démunis, les gens qui souffrent, vous rentrez. Et le soir, vous êtes joyeuse. Je crois que ça, c'est son coup de génie. C'est d'avoir un groupe de gens qui travaillent avec elle et qui fait ce travail très difficile, n'est-ce pas, avec un esprit de joie. La mère sourit toujours. Je l'ai toujours connue souriante. Toujours. Sauf quand elle tient un enfant malheureux dans ses bras. Le père jésuite Édouard de Joly à l'émission aux 20h en 1979 pour nous raconter l'histoire de Mère Teresa. Mon invité est Catherine Foisy, professeure au département de sciences des religions de l'Université du Québec à Montréal. Catherine Foisy, bonjour. Bonjour, Jean-Claude. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Commençons par le commencement. Catherine Foisy, elle naît à Skopje, en Macédoine, Mère Teresa. Quel genre d'enfance est-elle? Ben, elle a une enfance, je dirais, plutôt heureuse. Elle est la cadette d'une famille de 3 enfants, d'un couple catholique, ce qui est donc une posture de minoritaire à l'intérieur donc de la Macédoine, du point de vue religieux. Et un élément important, elle devient orpheline de père à l'âge de 8 ans. Elle est originaire d'une famille qui a quand même des moyens financiers assez importants. Son père est dans le commerce, donc elle n'a pas une enfance miséreuse. Mais par contre, cet événement-là est un événement, je dirais, important, marquant, parce que ça va l'amener à se tourner effectivement vers Dieu et donc à chercher en donc Dieu. Assez tôt. Oui, assez tôt. Et à se tourner vers Dieu, donc chercher un Dieu Père. Et cet élément-là va demeurer, je dirais, ou va colorer sa vie spirituelle. Pour elle, la figure de Dieu, c'est cette autorité paternelle, c'est cette figure paternelle. Concrètement, donc très vite, elle se tourne vers la religion. Ça veut dire quoi concrètement? Quand est-ce qu'elle décide d'être elle-même religieuse et éventuellement de partir en Inde, par exemple? Donc, en fait, c'est à l'âge de 18 ans qu'elle va partir pour rejoindre les Sœurs de Notre-Dame de Lorette, donc qui est un ordre religieux irlandais. Elle s'installe d'abord à Dublin et très rapidement, elle est envoyée en Inde. Bon. Et c'est de là qu'elle va ensuite donc prononcer ses vœux religieux en 1931 et ensuite qu'elle va prononcer ses vœux définitifs en 1937. Et elle va devenir professeure, enseignante. Elle va également devenir directrice de cette école-là éventuellement. Et c'est de là que tout son cheminement, son parcours va se faire. Parce qu'en fait, pendant les premières 20 années, ses premières 20 années en congrégation, elle est carrément effectivement enseignante. Elle enseigne l'histoire, la géographie. Pourquoi elle choisit, quand elle prononce ses vœux, pourquoi elle choisit le nom de Teresa, Catherine Foisy? Alors, le nom de Teresa, c'est une référence directe à Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'est à la fois la patronne des missions, c'est une des patronnes des missions. Donc, il y a déjà cet ordre religieux, donc des Sœurs de Notre-Dame de Lorette, a une visée missionnaire. C'est pas pour rien que ce sont des Sœurs irlandaises fondées en Irlande, installées entre autres en Inde. Donc, cette dimension missionnaire, elle est au cœur de la vie spirituelle, de la vie religieuse, la vie consacrée de Mère Teresa. Et donc, la petite Thérèse, c'est aussi une voie spirituelle dans le catholicisme qui renvoie au plus petit, oui. Au plus simple, et donc réellement à l'amour, à la charité la plus pure qu'on puisse vivre et puis incarner dans ce monde-ci. Qu'est-ce qui amène Mère Teresa, à un moment donné, à décider de créer son propre ordre religieux? Ben, en fait, à un moment donné, elle décide de quitter parce qu'elle a finalement, elle reconnaît un appel de Dieu à se consacrer exclusivement aux plus pauvres des plus pauvres. Dans un voyage en train, hein, oui, je pense. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et bon, ça lui prend un peu de temps pour elle doit se préparer, elle va faire un cours d'infirmière, et puis finalement, c'est à la fin des années 40, elle obtient le mandat papal pour être en mesure donc de quitter son ordre religieux, parce que quand même quitter un ordre après avoir prononcé des vœux définitifs, c'est quelque chose dans la vie religieuse, dans la vie consacrée. Et donc c'est au début des années 50 qu'elle fonde les sœurs missionnaires de la charité. Et comment voit le rôle de ces sœurs missionnaires de la charité? Quelle mission justement elle entrevoit pour sa congrégation? On écoute Mère Teresa citer, parce que ça résume bien un peu l'esprit, puis on y reviendra tout de suite après ensemble, Catherine Foisy, mais ça résume bien l'esprit de ce qu'elle veut faire, cette citation de l'appel du Christ à aider les pauvres. Mère Teresa, l'émission Aux 20 heures en 1979. Nous répondons à l'appel du Christ qui a dit « J'avais faim et vous m'avez nourri. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais sans abri et vous m'avez recueilli. J'étais malade et vous m'avez soigné. » Il y aura toujours le Christ qui a faim, le Christ nu, le Christ sans abri, non seulement dans les rues de Calcutta, mais partout dans le monde. Alors, comment elle voit très concrètement, Mère Teresa, comment Catherine Foisy, elle voit son rôle et celui des missionnaires de la charité? Ben, en fait, le rôle que Mère Teresa se donne et puis qu'elle donne à ses filles, d'abord, c'est vraiment celui d'aller vers les plus pauvres et de prendre soin de ceux qui sont complètement exclus, marginalisés, les affamés, les sans-abri, les gens qui n'ont pas de lieu pour mourir également. Ça devient même un quatrième vœu, hein, oui, associé à son ordre, ce vœu d'aider les pauvres, les plus pauvres. Oui, donc après le vœu de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, qui sont les trois vœux habituels de la vie consacrée, elle ajoute effectivement celui de l'aide aux plus pauvres. Oui. Et donc, c'est réellement, ça c'est au cœur et ça définit d'abord et avant tout ce que sont et ce que devraient être les missionnaires de la charité. Et concrètement, ça se traduit par quel genre d'action sur le terrain? Sur le terrain, concrètement, ça veut dire prendre soin des lépreux, ça veut dire laver les plaies. On a vu, il y a des images d'archives extraordinaires où on la voit presque baiser les plaies de gens, donc de lépreux, de gens qui ont des aftes, qui ont toutes sortes de problématiques. Bon, on a beaucoup médiatisé cela. Évidemment, au fur et à mesure que va se développer la congrégation de Mère Teresa, elles vont fonder des écoles. Il y a maintenant des religieux également du même ordre, donc un ordre pour des hommes. Et le mandat va toujours demeurer d'abord et avant tout celui de servir les pauvres. Oui. Et elle va travailler dans l'ombre, si on peut dire, un bon bout de temps, parce qu'au fond, il y a cette date où tout va basculer sur le plan de sa reconnaissance sur la scène internationale, c'est 1968. Donc, ça vient quand même relativement tardivement. Qu'est-ce qui se passe en 68 pour que tout à coup, Mère Teresa devienne internationalement connue et reconnue? Alors, en 68, lors d'un passage à Londres, elle est interviewée à la télévision, mais ensuite, il y a un journaliste, Muggeridge, qui se rend en Inde et qui produit un documentaire sur Mère Teresa. C'est un homme qui a une posture sur le plan sociopolitique plutôt conservatrice, qui va plus tard se convertir au catholicisme, mais qui, à ce moment-là, n'est pas converti, mais qui est très, très fortement marqué par la figure de Mère Teresa, par son incarnation à la fois d'un certain conservatisme, mais surtout de cette ode à la charité et puis de cet amour pour les pauvres. Et donc, durant même le tournage, il y a un moment donné, Muggeridge raconte qu'il y a une difficulté technique et donc Mère Teresa, pour lui, intervient et fait un miracle. Bon, alors ça n'a jamais été attesté, ouais, parce qu'il y a des contre. Il y a une controverse autour de cela. Mais il reste qu'à partir de la projection de ce documentaire-là, Mère Teresa va recevoir jusqu'à 61 000 $ donc pour sa congrégation, des dons provenant de Britanniques. Et donc, là, la carrière internationale, médiatique, le personnage, d'une certaine manière, est créé, entre guillemets. Et voilà. Et l'une des choses qui sera, en tout cas dans notre imaginaire, la plupart des auditeurs vont se souvenir, on associe beaucoup l'image de Mère Teresa à ces fameuses maisons de mourants. Oui. Qu'est-ce que c'est, concrètement? Ben, en fait, c'est des endroits qui reçoivent les gens qui finalement, plutôt que de mourir en plein milieu des rues de Calcutta, sont recueillis par les sœurs, les missionnaires de la charité, et donc sont accueillis dans ces lieux qui sont souvent entassés, ouais. Presque empilés les uns sur les autres. Et donc où on essaie de leur je crois, de leur redonner un minimum de dignité, ouais. Un minimum de, je dirais pas de confort, parce que ça a été trop remis en question par et avec raison. Il y a des critiques sérieuses sur le traitement qu'on faisait ou l'absence de traitement. Parce qu'au fond, on est, puis ça c'est intéressant, parce qu'au fond, cette image de ces maisons de mourants nous montre bien la philosophie, la vision de Mère Teresa. On est dans le palliatif. On attend la mort dans ces maisons-là, et on est dans la souffrance. C'est quelque chose de très judéo-chrétien. Ça fait partie de la vision de Mère Teresa. La souffrance, mm-hmm. On n'a pas à, par exemple, administrer des médicaments pour soulager la souffrance. Non, la souffrance fait partie de cette marche vers la mort. C'est ça un petit peu sa philosophie. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est réellement une interprétation, je dirais plutôt conservatrice, ouais. Et aussi à la limite presque que fondamentaliste de la souffrance du Christ lui-même, parce que finalement, pour Mère Teresa, suivre le Christ dans la vie consacrée, missionnaire auprès des pauvres, c'est suivre ce Christ souffrant, c'est proposer cette vision-là finalement comme vision d'accompagnement même pour des personnes, mmh. qui sont en grande souffrance sur le plan physique, mais parfois même sur le plan psychique, sur le plan moral. Pour Mère Teresa, la souffrance a définitivement un sens, celui de nous rapprocher du Christ, mm-hmm. de nous rapprocher de Dieu, et donc de nous rapprocher de cette vie éternelle. Et il y aura des critiques très, très dures, très sévères. Je lisais en préparant le dossier une phrase qui est très éloquente, parce qu'il y a quelque chose de très fataliste dans cette vision qu'elle a, Mère Teresa, et quelqu'un écrivait à propos du travail qu'elle fait, de la vision qu'elle a, reprochait au fond à Mère Teresa d'aimer davantage la pauvreté que les pauvres. C'est fort quand même. Oui, ça c'est très fort. Moi, je suis pas certaine que j'irais jusqu'à dire, ouais. cela ou à affirmer cela. C'est très dur comme manière de voir les choses, parce qu'en même temps, le fait d'aller vers ces gens-là, d'aller les chercher dans la rue, de leur permettre d'entrer dans une maison, d'avoir un lieu pour mourir. Bon, il y a une forme de reconnaissance, ouais. ou d'amour du pauvre. Il y a une forme de charité réellement, mais en même temps, c'est clair que d'une certaine manière, la pauvreté faisait le pain et le beurre de Mère Teresa. Alors qu'à la même époque, il y a des gens en Amérique latine qui cherchent à réfléchir la manière dont, à partir de l'Évangile, on peut remettre en question des mécanismes sociaux de domination avec la théologie de la libération. Ici, on n'est pas dans une remise en question des structures d'oppression sur un plan politique, mm-hmm. social, économique, absolument pas. Mais c'est important, effectivement, comme divergence de vue dans cette même Église catholique. Il y a deux courants là qui s'opposent complètement. En 1979, Mère Teresa va recevoir le prix Nobel de la paix. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut reconnaître? Que veut reconnaître l'Académie en lui décernant ce Nobel de la paix, Catherine Foisy? Je pense que les gens, à l'époque, quand même 79, on est en pleine guerre froide, résurgence des conflits également. Mère Teresa incarne finalement, je pense, pour le jury du prix Nobel de la paix, une forme d'humanité très grande, une capacité d'accueil de l'autre. Et donc, dans ce contexte-là particulier, elle est une figure qui peut être rassembleuse, mm-hmm. Au-delà des idéologies politiques, des idéologies religieuses, des idéologies même économiques. Donc, je pense que c'est réellement cet élément-là qui est reconnu. Et puis, en même temps, Mère Teresa, qu'on le veuille ou non, par le fait qu'elle est complètement ou qu'elle semble être complètement donnée, que sa vie semble être complètement donnée, elle représente d'une certaine manière une figure à émuler. Donc, les gens sont touchés, peu importe leurs options. Ouais. elle aura des mots très durs quand elle recevra sa Nobel de la paix. Puis ça va nous amener dans un instant à parler de sa pensée vraiment très, très conservatrice. On l'a fait un peu déjà, mais mots très durs à l'endroit de l'avortement. On écoute un extrait de ce discours de Mère Teresa quand elle reçoit son Nobel de la paix en 1979. The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent unborn child. La plus grande menace à la paix aujourd'hui est le crime commis contre l'innocent enfant qui demande à naître. Je considère que les pays qui ont légalisé l'avortement sont des pays où sévit la pauvreté. Ils ont peur des petits, ils ont peur des enfants à naître. God give us courage to protect the unborn child. Seigneur, donnez-nous le courage de protéger l'enfant à naître, car l'enfant est le plus beau présent que Dieu puisse faire à une famille, à un pays et au monde entier. Dieu vous bénisse. God bless you. Qu'est-ce que ça nous dit, ce qu'on vient d'entendre, Catherine Foisy? Ça va être très, très controversé, évidemment, ce discours de Mère Teresa en 79, quand elle reçoit le Nobel de la paix. Mais qu'est-ce que ça nous dit sur sa pensée? Mais ça nous dit beaucoup de choses. Ça nous dit, bon, clairement qu'elle s'inscrit dans le courant conservateur de l'Église, qui est finalement les positions qui ont été aussi avalisées à la suite du Concile Vatican II en ce qui a trait à la doctrine morale et puis, bon, particulièrement dans le domaine de la sexualité pour l'Église catholique, d'une part. D'autre part, ça nous dit également que Mère Teresa regarde les grandes questions de ce temps toujours à partir d'une expérience bien concrète, celle de l'être humain, l'homme, la femme qui est devant elle, potentiellement. Donc, là, elle fait une lecture de la réalité ou des enjeux de paix dans le monde à partir de l'expérience bien individuelle, micro-sociologique. Et donc, bon, c'est éminemment problématique parce qu'elle vient de recevoir quand même le prix Nobel de la paix. Oui. Et là, elle nous dit, ben, le problème majeur avec qui menace le plus la paix dans le monde, c'est les avortements. Alors là, on se dit, mais voyons de quoi elle parle. Oui. L'étoile de Mère Teresa va pâlir considérablement dans les 10 dernières années de sa vie. On a déjà vu, là où elle peut provoquer des débats, ses positions très dures sur l'avortement, son conservatisme. Mais sinon, qu'est-ce qu'on va lui reprocher? On va lui reprocher à la fois le fait d'avoir accepté des dons de dictateurs, entre autres Duvalier d'Haïti, le fait de ne prendre aucune position par rapport à des enjeux politiques. Bon, elle a aucune approche ou aucune remise en question de décisions qui peuvent être prises par le gouvernement indien ou par quelque autre gouvernement, alors qu'elle agit un peu comme une sorte de conscience de l'humanité, surtout depuis qu'elle a été reconnue comme prix Nobel de la paix. Donc, si elle prenait parti et position pour des enjeux de justice sociale, elle pourrait avoir un impact important pour transformer des causes. Donc, il y a ça. Il y a le fait que, également, les soins qui sont prodigués, en fait, il y a pratiquement pas de soins. On donne même pas à certains endroits. Il y a même pas de Tylenol pour soulager minimalement la souffrance des gens. Et puis, l'autre élément, c'est toute cette construction-là médiatique. Il y a même une construction du langage corporel. Mère Teresa, tantôt, on entendait Édouard de Joly nous dire que c'était la joie de Mère Teresa. Mais Mère Teresa, à partir du prix Nobel, la plupart des photos, on la voit timorée, on la voit... Donc, c'est la nuit spirituelle également. Donc, ça, c'est on se dit, c'est comme deux poids, deux mesures. Elle va être canonisée, Mère Teresa, le 4 septembre 2016 par le pape François, pour voir un peu ce qu'elle représente pour l'Église catholique. On écoute d'abord le pape François le 4 septembre 2016, et puis ensuite le cardinal Paul-Émile Léger à l'émission Dialogue en décembre 1980. Penso che forse avremo un po' di difficoltà nel chiamarla Santa Teresa. Je pense qu'il nous sera difficile de l'appeler Sainte Teresa. Sa sainteté est si proche de nous que nous continuerons spontanément de l'appeler Mère Teresa. Continueremo a dirle Madre Teresa. Et dès 9h30 du matin, j'étais donc rendu chez le cardinal de Calcutta. Un saint homme, très, très, très humble, et qui m'a dit, vous savez, mon cher collègue, l'Église ici, c'est Mère Teresa. Mon diocèse est énorme, j'ai 90 millions. 90 millions seulement, évidemment. De diocèses, de diocésains. dont 160 000 catholiques seulement. Et évidemment, c'est Mère Teresa qui prend toute la place, puisque tout le monde parle d'elle. Et dans un bassin catholique de 0,08, elle a 300 novices, alors que dans la province de Québec, il n'y a que 200 novices dans toutes nos communautés. Que représente, pour l'Église catholique, pour l'Église de Rome, que représente Mère Teresa Catherine Foisy? Alors, exceptionnel, là, ce qu'on vient d'entendre. Ah oui, tout à fait. Mère Teresa représente d'une certaine manière un peu ce que le frère André représente. Une sœur, une amie, une confidente, une personne qui marque aussi, qui montre le chemin aussi, qui montre la voie de la sainteté. Bon, c'est pour ça qu'on l'a canonisée. C'est un modèle parmi d'autres. Après, les gens peuvent s'identifier ou non. Elle représente une femme aussi qui a fait valoir son point de vue, le point de vue aussi de l'Église. Par rapport à des questions controversées. On en a parlé plus tôt. Mais c'est une voix importante pour l'Église. Parce que d'abord, elle est en phase avec l'Église catholique de son temps. Oui, ce sera beaucoup Jean-Paul II. Oui. C'est fascinant aussi parce que c'est deux personnages très conservateurs, mais très médiatiques aussi. Tout à fait. Tout à fait. C'est réellement... on peut pas parler d'un couple dans le sens où on l'entend habituellement, mais il y a réellement une sorte de parallèle entre les deux personnages. Et sur le plan médiatique, c'est clair qu'il y a une sorte de... ils ont saisi... autant Jean-Paul II que Mère Teresa, la manière dont les médias fonctionnaient, la manière dont ils pouvaient utiliser les médias à leur avantage, à l'avantage de leur cause, de leur point de vue. Et il y a tout un processus à travers les médias, je dirais, de reconquête culturelle aussi par le catholicisme. Mm-hmm. Jean-Paul II va parler très rapidement, dès 79, presque dès son élection, de nouvelle évangélisation. Et ça, c'est un processus de reconquête culturelle du catholicisme en Europe, en Occident. Il reste quoi de cette figure? Aujourd'hui, en Inde, dans le monde entier? Je dirais que, bon, en Inde, c'est à la fois une figure importante, d'une part, et d'autre part, je pense que pour le monde, ça reste un point de référence. Souvent, on dit de gens qui sont très engagés que « Ah, wow, t'es une vraie Mère Teresa! » Bon, donc, c'est passé dans les mœurs, je dirais, sur le plan populaire, cette image-là. Moi, je pense quand même qu'il y a lieu d'être vigilant et de ne pas en faire réellement un mythe, d'être en mesure de prendre une certaine distance critique par rapport au personnage aussi. Catherine Foisy, professeure au département de sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal, merci infiniment de votre passage à l'émission. Merci à vous, Jacques Beauchamp. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.